La fille d'Amir Kadir était absente en cours hier. Parle-moi de Yalda Machouf Kadir. C'est intéressant, ça. Elle devait se présenter en cours hier pour subir un de ses procès. Et son avocat a toutefois annoncé qu'elle allait plaider coupable et qu'elle pouvait pas être là parce qu'elle était allée étudier dans un café. Ouais, mais t'as-tu vu l'autre phrase qu'il a dit aussi? Elle Maître Pierre de la cour. Il a dit ça hier. Il a dit « Elle n'est pas habituée aux heures de la cour. Elle est présentement dans un café en train d'étudier. » Elle n'est pas habituée aux heures de la cour. C'est quoi ça? Pas être habituée aux heures de la cour? C'est quoi cette affaire-là? C'est dans quelle société? Hey, peut-être souligner que Pierre Poupard, là, c'est un des frères Poupard qui a défendu Guy Turcotte aussi. Ça coûte quand même assez cher comme avocat. Non, non, je suis pas inquiet pour elle. Elle va plaider coupable, mais je suis pas inquiet pour elle. Elle aura pas une grosse sentence. Elle n'est pas habituée aux heures de la cour. Mais c'est quoi la cour? Ça siège de nuit? C'est ça? Ben, avec 2 heures par nuit. D'habitude, c'est entre 9h30 et 4h30, la cour, là. C'est pas mal les heures de business. C'est pas mal les heures. Mais ça, là, puis je me souviens, écoute, il est passé 7 ans dans le palais de justice, là. La fameuse possibilité de ne pas se présenter devant le juge quand tu comparais, là. Ça part de là, hein. La crainte, la non-crainte. En fait, les criminels n'ont pas peur de la justice. Absolument pas. Ça part de là. Pensez à ça, là. Tu comparais, on te lit les accusations, c'est des procédures importantes. T'es pas obligé d'être là. Tu peux continuer. Alors que t'es là. Concerné, là. C'est sérieux, une accusation, là. Une accusation criminelle qui est déposée contre toi, là. Mais non, t'es pas obligé d'être là. Tu peux être représenté par ton avocat, puis on devrait commencer par ça, là. Ça devrait être obligatoire. Après ça, on se demande pourquoi les crottés respectent pas leurs conditions quand on leur impose des conditions, puis pourquoi on prend la justice à la légère. Ben, ça commence par là. C'est au début des procédures que commence. Ils ont le droit d'esquiver une partie du processus. C'est soft à partir du début, le système de justice au Québec. Tu es accusé, pas besoin de te présenter. Ton avocat va s'occuper de tout ça. Puis toi, ben, continue ta vie. Puis va-t'en au Starbucks faire semblant d'étudier. Puis y a pas de problème là. Comment veux-tu que le message passe? T'as même pas besoin. Parce que, tu sais, surtout une jeune femme comme ça, 20 ans, là, qui fait des sparages, là, puis qui s'amuse à jouer à la révolutionnaire cheap, là. Honnêtement, là, se présenter devant un juge, là, t'es vraiment dans la salle de cour, puis t'es devant le juge, puis il te lit les accusations, ça peut possiblement faire réfléchir. Juste d'être là, devant le public, puis devant un journaliste, avec le juge en avant de toi qui te lit les accusations, puis le procureur de la couronne qui est là, avec son air sévère, là. Faire face à la musique. C'est ça, ça s'appelle faire face à la musique. Juste faire face à ça, ça peut déjà donner une bonne leçon à quelqu'un qui est un peu déconnecté, comme une adolescente attardée, comme Yalda Machouf Kadir, là. Mais non, t'es pas obligé, puis y a pas de problème, puis ton avocat va être là, puis ton avocat va t'informer, puis t'en reviendras, puis continue ta vie comme si de rien n'était, comme s'il y avait pas d'accusation. Ça commence de là, là. Elle devait subir son procès pour méfait lors de l'occupation illégale du cégep du Vieux-Montréal pendant le printemps de 2012, bien sûr. On dit qu'elle risque en plaidant coupable parce que c'est ce qui va se passer, là. On a reporté l'affaire, mais elle pourrait avoir une peine maximale de 5 000 $ et 6 mois de prison pour cette occupation-là. Et ça sera pas son seul passage en cours. J'espère qu'à un moment donné, ils vont finir par l'amener, là, parce qu'elle attend encore ses procès pour saccage de l'Université de Montréal et des bureaux de l'ex-ministre Lynn Beauchamp, entre autres, pendant la fameuse crise étudiante. Il semblerait que ce sera un long, long processus. J'étais